Jean Bosco, Douimane. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 13 septembre 2017. Voici les grands titres de cette édition. La commission chargée de proposer les articles susceptibles d'être amendés dans la Constitution de la République du Burundi a encore 2 mois pour remettre son rapport. Le mandat initial devait expirer le 15 septembre prochain. La famille d'un certain Habarugira Léopold voudrait retrouver le leur après son enlèvement par 4 personnes, dont une en uniforme policière. C'était hier matin à Mutangano, en zone Guiocha, alors qu'il venait de déposer son enfant à l'école. Toujours au chapitre sécurité, les bureaux du haut commissaire aux droits de l'homme au Burundi ont été la cible d'une attaque armée la nuit de mardi à mercredi. Et pénurie de carburant en Ngozi, où le litre et demi s'achète à 8000 francs burundais sur le marché noir. La situation est particulièrement intenable pour les transporteurs et leurs clients. Et dans le reportage du jour, nous irons en Provence Mwaro pour décrire la vie des Batois qui réclament des terres cultivables après avoir abandonné leur métier traditionnel, la forge et la pénurie. Ce journal est mis en onde par Jean Dodieu d'Aïseng. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Oh bonjour, les bureaux de l'Office du Haut-Commissaire des droits de l'homme au Burundi auraient été attaqués dans la nuit de ce mardi à mercredi par un groupe armé non encore identifié. Certaines informations provenant du quartier INSS en zone urbaine de Rohero font savoir que des coups de feu ont été entendus. D'autres encore indiquent que c'était un groupe de 6 personnes armées. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore eu la version de la police. Et encore sans vie, d'une fille a été retrouvée hier sur la colline Kinyami en commune Nyabiraba de la province Bujumbura. Ngendahon Agapit, chef de cette colline, confirme l'information et fait savoir que cette fille venait de passer une longue période dans les prières à l'église Redempt Church suite à un problème mental. On pense que cette fille se serait suicidée. 3 personnes, dont un évangéliste de cette église, ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Et la famille d'un certain Habarugira Léopold affirme ne pas savoir où se trouve ce militant du parti CNDD, du parti UPD Zigamibanga. Nous reviendrons sur cette information. Toujours au chapitre sécurité, 6 écoliers ont été blessés, dont 2 grièvement, à la suite d'un vent violent qui a également emporté la toiture de 2 salles de classe. C'est à l'école fondamentale de Manuka, en commune Ndava, de la province Mwaro. C'était dans l'après-midi de ce mardi. Ces blessés sont toujours à l'hôpital de Kiwimba. L'administrateur de la commune Ndava, Aloïse Ndenzako, témoigne que les écoliers des classes endommagées ne sont pas en train d'étudier pour le moment. Il précise qu'il est en train de chercher d'autres tôles dans le but de couvrir ces 2 classes pour que les enseignements puissent continuer. Il est 13h à Bujumbura. Je vous l'avais dit dans les titres, le mandat de la commission chargée de proposer des amendements de la Constitution nationale est prolongé de 2 mois. Terence Nahiraja, porte-parole du ministère de l'Intérieur, indique que le président de la République a prolongé le mandat de cette commission pour lui permettre de peaufiner son rapport. Le mandat de la dite commission devrait prendre fin le 15 septembre courant. Suivez Terence Nahiraja. J'aimerais informer l'opinion nationale et internationale qu'il y a déjà un décret qui prolonge le mandat de cette commission, qui ajoute d'ailleurs une période de 2 mois afin de pouvoir bien inventorier toutes les contributions en provenance des différentes couches politiques et sociales du Burundi pour qu'en fin de compte, nous ayons une constitution qui est bien réfléchie et à laquelle tout le monde aura contribué. Le président de la République prolonge le mandat à cette commission après les grognes des politiciens comme quoi ils n'auraient pas été consultés par cette commission. Est-ce que c'est pour donner le temps à la dite commission pour toucher ces politiciens? Je voudrais d'abord informer nos chers auditeurs que le cas des égards qui régissent cette commission prévoit déjà que le chef de l'État peut prolonger le mandat de cette commission au cas où il n'aurait pas été éliminé. C'est dans cette perspective qu'il l'a fait le chef de l'État. Mais également, s'il y a des petits politiciens qui disent que vraiment, ils n'ont pas eu l'occasion de contribuer, c'est faux. Il faut pourquoi? Souvenez-vous, vous tous, tous les politiciens burundais, les représentants des partis politiques, se sont rassemblés à Gitega 2 fois avec deux résolutions dont le contenu, justement, il y avait quelques articles qui stipulent qu'il faut que l'amendement de restitution soit fait conformément, justement, au résultat du dialogue entre les Burundis. Et comme vous le savez, le dialogue entre les Burundis s'est déroulé dans tout le pays, toutes les communes, toutes les provinces, même à l'étranger. Pourquoi pas? Vous vous souvenez qu'en Norvège et ailleurs, la Commission a fait des descentes à l'étranger. Vous faites mention du rapport de la CNDI, alors que les politiciens et différents acteurs politiques se plaignent comme quoi ce rapport est tenu secret. Pourquoi? Le rapport de la CNDI n'est pas le rassemblement des idées qui doivent être débattues par d'autres personnes. Il s'agit du rassemblement des différentes contributions de toutes les couches de la population burundaise pour qu'en fait de compte, il constitue des données réelles pour la Commission en vue de bien proposer l'amendement de la Constitution de la République du Burundi. C'était le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Terence Nahiraja, au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. Je venais de vous le dire tantôt, la famille d'un certain Abarugira Léopold affirme ne pas savoir où se trouve ce militant du parti UPDZ Gamibanga. Son épouse déclare que son mari a été enlevé à bord d'un véhicule par quatre personnes, dont une en uniforme policière. C'était ce mardi à Mutanga, en zone Gihosha de la mairie de Bujumbura. Liberat Nzitonda affirme avoir alerté la police, qui jusqu'à présent n'a donné de nouvelles de son mari. La police, à travers son porte-parole, dit ne rien savoir sur cette arrestation de Léopold Abarugira. Suivez Pierre Nkurikiye. La police burundaise n'est pas au courant d'un éventuel enlèvement d'un certain Léopold Abarugira hier à Mutanga, parce que la police n'a pas reçu une plainte allant dans ce sens. Il n'y a pas eu une arrestation de cet homme qui aurait été opéré par les forces de sécurité burundaises à cet endroit hier. Tout ça, la police n'est pas au courant, d'autant plus qu'elle n'a pas encore reçu une plainte qui va dans ce sens et n'a pas été témoin d'un éventuel enlèvement. C'était le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye. Les agents de la police qui montent leur garde sur la rivière Murembwe la nuit exigent 5000 francs burundais pour laisser passer un véhicule chargé de marchandises. Les transporteurs qui le disent demandent la cessation de cette pratique et le commissaire provincial de la police à Rumonge appelle à la dénonciation de tels cas. Correspondance de Jean-Pierre Misago pour plus de détails. Selon certains conducteurs de véhicules, surtout transportant les marchandises, les policiers qui gardent la barrière de Mutambara, près de la rivière Murembwe la nuit, ont fixé une sorte de couvre-feu entre 18h et 6h du matin. Pour franchir cette barrière dans cet intervalle de temps, une somme de 5000 francs burundais par véhicule transportant des marchandises est exigée et dans le cas contraire, attendre jusqu'à 6h du matin. Pour continuer la route, ces chauffeurs parlent de corruption qui devrait être stoppée puisque selon eux, aucun autre contrôle n'est fait après la perception de cet argent. Au Pessin, un donatien Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge, indique que cette barrière est là pour la sécurité et le contrôle de la fraude qui arrive ou qui transite souvent par Rumonge en provenance du sud du Burundi via la RN3. Cet officier de police qualifie de criminel tout ce qui paie ou assiste à payer cet argent et ne le dénonce pas et leur demande de changer de comportement. Selon lui, ceux qui ont été déjà attrapés ont été punis conformément à la loi et certains d'entre eux, dont le nombre n'a pas été précisé, croupissent toujours dans différentes prisons. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, toujours dans les nouvelles des provinces. Pénurie de carburant de type essence depuis 4 jours sur toutes les stations de la province de Ngozi. Ce produit est pourtant disponible au marché noir à 8000 francs burundais le litre et demi. Les conducteurs de véhicules et de motos de transport, particulièrement des élèves qui regagnent l'école, éprouvent des difficultés car le ticket a doublé, voire triplé. Les détails avec notre correspondant Apollinaire Muzagara. Les 5 stations que compte le chef-lieu de la province Ngozi n'ont aucune goutte d'essence et cela depuis la fin de la semaine passée. Pourtant, l'essence est disponible au marché noir, mais à un prix exorbitant. Ils se vendent dans des bouteilles en plastique d'un litre et demi à 8000 francs bout contre le prix officiel de 2138 francs le litre. Conséquence, les prix de transport ont fortement grimpé. À titre illustratif, pour faire Kayanza Ngozi ce mardi, on payait 5000 francs contre 2000 francs en situation normale. Le ticket de Ngozi Bujumbura qui coûtait 7000 francs se vend actuellement à 10000 francs, voire plus. Pour les tronçons Ngozi Kirundo et Ngozi Muyinga, le passager paie 7 à 8000 francs, alors qu'on les faisait à 5000 francs aussi. Les usagers de taxi moto n'ont pas été épargnés. du centre-ville Ngozi en direction des chefs-lieux communaux proches ont payé 2000 francs et pour le moment, on s'y rend à 5000 francs, voire 6000 francs. Les passagers, notamment les élèves en vacances qui regagnent le chemin de l'école, ne savent donc plus sur quel pied danse. Ils demandent par conséquent aux autorités habilitées de trouver remède le plus tôt possible à ce problème. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Les anciens élèves de l'Institut technique paramédical ITEM ont observé en sit-in ce mercredi devant le bloc administratif de cette école. Motif, revendiquer la restitution des frais de retrait des diplômes comme l'a recommandé le ministère de la Santé dans une correspondance adressée aux autorités de cette institution. Il y a un enfant qui a un problème d'évacuation des déchets de son corps. Elle porte le nom de Guilanaise Tania. Ses parents et médecins qui la suivent de près indique qu'il faudrait qu'elle aille se faire soigner à l'étranger. Cette opération nécessite 8 000 $ américains, une somme que son père dit ne pas être en mesure d'avoir. Il appelle tout homme charitable de leur venir en aide. Nous reviendrons sur ces informations après dans nos éditions de la soirée. Place maintenant au reportage. Je vous l'avais annoncé dans les titres, le reportage de ce mercredi nous conduit au site des Batois de Guihinga en commune Kayokwe de la province Emngaro. Les habitants de ce site disent qu'ils ont abandonné leur traditionnel métier pour s'adonner à l'agriculture. Cependant, comme la forge et la poterie, leurs anciens métiers, l'agriculture ne leur permet pas de s'autosuffire dans leur alimentation. Le reportage est signé Joseph Sabiabandi. Nous sommes au site des Batois de Guihinga, en commune Kayokwe de la province Emngaro. Ce site, qui est situé à près de 4 km du chef-lieu de la province, héberge 425 personnes regroupées en 65 familles. Il est presque 13 heures. À notre arrivée, nous trouvons certains habitants du site dans les champs, en train de labourer. Odifax Nyabenda, un des responsables de ce site, indique que les Batois de Guihinga ont abandonné leur ancien métier au profit de l'agriculture. Nous vivons de l'agriculture. Quant à la poterie, on ne fait plus ce métier. C'est juste quelques-uns qui font cela. La poterie tend à disparaître parce que nous sommes à une époque de modernité. Les gens n'achètent plus de pots. Les pots sont aujourd'hui remplacés par des casseroles. La rareté du marché des pots a poussé les Batois de Guihinga à s'atteler à l'agriculture. La poterie et la forge de métier traditionnel des Batois sont dépassés, indique une habitante du site de Guihinga. Penina Nkurunziza regrette que l'agriculture, leur nouveau métier, ne leur permet pas l'autosuffisance en vivre. Avant la récolte, nous allons travailler pour les voisins afin d'obtenir de quoi manger. Quand la récolte arrive, on mange toute la récolte et après, on refait la même chose. Nous allons travailler pour les autres afin d'obtenir de quoi manger. Nous sommes vraiment différents des Hutus et des Tutsis qui possèdent des étendues de terre sur les collines et dans les vallées. Nous demandons aux autorités de nous accorder des terres pour que nous soyons autonomes. Le manque d'autosuffisance des Batois de Guihinga est source de mécontentement des autorités administratives. Jean-Marie Nyakaregwa, gouverneur de la province Mwaro, indique que certains des Batois de ce site sont des voleurs au moment où les autres constituent une menace à l'environnement. Des fois, il y a des lamentations ici et là. Comme quoi, ce sont les Batois qui viennent dévaliser leurs maisons, leurs champs. On a des cas avérés où même des Batois disent qu'ils ne peuvent pas faire autrement que voler parce qu'ils n'ont pas de terre comme les autres. Alors, ils s'adonnent alors au vol. Comme l'administration connaît déjà ce problème, est-ce que vous planifiez faire quelque chose pour justement octroyer ces Batois de ce site de Guihinga dès le pain de terre pour qu'ils puissent travailler et gagner leur vie à la sueur de leur front? C'est un problème épineux parce que on n'a pas de terre. On a essayé de soumettre le problème au plus haut niveau. Dernièrement, on a eu la visite de son Excellence, le président de l'Assemblée nationale. Il y a eu un représentant de ces Batois qui a posé la question. Et on attend, si jamais il y a une province qui a plus de terres, qui puisse les accueillir, là, ce sera une bonne chose. Mais pour le moment, à notre niveau, nous ne sommes pas dans la possibilité de les octroyer des terres. Bien que le chemin d'autosuffisance en nourriture reste long pour les Batois du site de Gihinga, Odifax Nyabenda, un des responsables de ce site, appelle les Batois des autres localités du pays de s'adonner à l'agriculture pour leur développement. Merci Joseph Sabiyawandi, c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à Jean Dodieu Ndaïsenga pour la mise en onde. Au micro Jean Bosco Ndouimana, un bon après-midi.